Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. On dit que Jeanne Mance a fui la France, mais à 34 ans, après tant de drames et tant de douleurs, elle voulait une France, une nouvelle France. Qu'est-ce qui pousse Jeanne Mance à partir en Nouvelle-France à l'âge de 34 ans? La question se pose et mérite qu'on s'y attarde le temps d'une émission, même si la réponse semble être claire pour Didier Loiseau, qu'on vient d'entendre, le maire de la ville de Langres, d'où est originaire Jeanne Mance, et qui s'exprimait ici à l'occasion de la reconnaissance officielle de Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal, le jour du 370e anniversaire de la ville, le 17 mai 2012. Il n'est que justice que nous reconnaissions désormais l'importance de la contribution de Jeanne Mance dans l'édification de Ville-Marie, de reconnaître ce qu'on lui doit en tant que Montréalais. Elle va permettre à Maisonneuve d'utiliser les 22 000 livres pour recruter des colons. Et ce qui fait qu'on peut dire que c'est Jeanne Mance qui a sauvé la colonie, non seulement à Ville-Marie, mais qui a sauvé toute la colonie au complet. Il y a bien une rue, un parc, une statue devant l'Hôtel-Dieu rue des Pins, mais c'est trop peu. Une statue debout, parce que Jeanne Mance, en ce moment, on la connaît comme étant agenouillée au service des autres. Or, Jeanne Mance a été une femme, une féministe avant l'heure, qui s'est occupée non seulement des malades, mais des finances et de l'économie de Montréal. Extrait d'un reportage de Solveig Miller, le 17 mai 2012, jour du 370e anniversaire de la Fondation de Montréal. C'est ce jour-là, donc, que la Ville de Montréal a officiellement reconnu Jeanne Mance au titre de cofondatrice de Montréal avec Paul Chomédé de Maisonneuve. Vous entendiez dans cet extrait le maire de Montréal à l'époque, Gérald Tremblay, l'historien Jacques Lacourcière et la présidente du Conseil du statut de la femme à l'époque, Julie Miville-Dechêne, pour nous raconter le parcours exceptionnel de Jeanne Mance, pour nous permettre aussi de prendre la pleine mesure de l'importance qu'elle a eue. Je reçois Françoise de Roy-Pinault, auteure de la biographie Jeanne Mance, de Langres à Montréal, la passion de soigner. Françoise de Roy-Pinault, bonjour. Bonjour. Revenons sur cet événement important en 2012. C'est en 2012 seulement que Montréal officiellement reconnaît à Jeanne Mance son titre de cofondatrice de la ville. Pourquoi ça a été si long? Ça a été long parce que, bon, Jeanne Mance est une femme et qu'en général, on préfère confier le rôle de fondateur à un homme. Ça a été long peut-être aussi, je dirais, à cause des conséquences de la Révolution tranquille. Jeanne Mance passe toujours pour une religieuse. C'est vrai. Et les religieuses n'avaient pas la cote. Donc, on oublie. Alors qu'elle ne l'est pas. Mais pas du tout, elle n'a jamais voulu. Contrairement à presque toutes les jeunes filles de son époque, elle ne voulait pas être religieuse. Elle voulait faire autre chose. Alors, du coup, bien, on l'a un peu oubliée. Oui. Parlez-nous de la jeune Jeanne Mance. Elle naît à Langres, en France. Quel genre d'enfance, quel genre de jeunesse a-t-elle? Elle a une jeunesse malheureuse parce qu'elle est née sur une place forte qui était assaillie par les ennemis de la France. Donc elle a connu très jeune le siège de la ville, donc le manque de tout, le manque d'eau, le manque de sécurité, les épidémies, la peste et les conséquences de la guerre, les blessures. Donc comme toutes les femmes, elle a appris à soigner sur le tas. Mmh. Et comme sa famille était bourgeoise certes, mais n'avait pas beaucoup d'argent et qu'elle avait beaucoup de frères et sœurs, c'est pas une enfance drôle. C'est une enfance rigoureuse, travaillante, et elle a appris beaucoup de choses en regardant autour d'elle. Oui. Et c'est elle qui va devoir, en fait, parce que sa mère va mourir alors que Jeanne... Ils sont 12 chez eux. Ils sont 12, il y a des enfants, c'est pas très bien quand ils sont morts les uns et les autres, mais enfin, il n'en reste plus beaucoup à la fin, oui. À la fin de son séjour à Langres. Mais c'est elle qui devient mère de substitution, en fait. Elle devient le boss de la famille. Oui. Son père est malade, sa mère meurt, donc elle remplace son père à son étude juridique, on dirait ça maintenant, à son étude de procureur. Elle soigne, parce qu'il faut soigner, oui. Absolument. Apparemment, elle réussit très bien dans les deux cas, mais elle perd beaucoup de monde. Et après cette enfance difficile, apparemment, elle n'a qu'une envie, s'en aller. Oui, oui. Mais où? Un mot encore avant de partir avec elle pour la Nouvelle-France sur cette vocation à soigner. Est-ce que c'est pour elle la grande vocation de sa vie? En tout cas, en lisant le titre de votre biographie, on a l'impression que ce n'est pas un hasard. Votre biographie s'intitule donc Jeanne Mance, de Langres à Montréal, la passion de soigner. Est-ce que pour elle, c'est la première et principale vocation, soigner? Peut-être pas. Non. Peut-être pas. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce qu'on la connaît comme fondatrice de l'Hôtel Dieu, parce que c'est son talent de soignante qui a été très connue d'abord et que manifestement, elle avait un tel talent qu'elle reçoit de l'argent pour fonder un hôpital. Donc elle a fait ses preuves. Mais c'est une femme d'entre-gens, c'est une femme qui était capable d'assumer de grosses responsabilités. Elle a été élevée dans un milieu juridique, c'était une excellente administratrice, elle l'a prouvé, donc elle a appris. Et au-delà du soin, c'est une femme, c'est une gestionnaire, c'est une administratrice, ouais. C'est une juriste. Elle est très polyvalente, Jeanne Mance. Ouais. Elle décide, c'est pas rien à l'époque, elle décide, et à 34 ans, à cette époque-là déjà, on commence à être un peu vieux. Ah oui, certainement. Elle décide de partir en Nouvelle-France, fonder une colonie à 34 ans. Pourquoi diable Françoise de Roy-Pinault décide-t-elle de partir en Nouvelle-France? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Alors, c'est tout le contexte de l'époque. À l'époque, il y a d'une part un engouement pour l'Évangile pris au pied de la lettre. Je ne parle pas des faux dévots. Je parle des gens qui sont sincèrement passionnés de l'Évangile. Ces gens-là, bon, bien sûr, ils prient, ils se réunissent pour se donner du courage et faire des bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres. Si elles soignent, c'est parce qu'il y a des groupes de gens qui soignent et on s'encourage mutuellement. Parallèlement, on découvre les nouveaux peuples et on s'aperçoit qu'il manque de beaucoup de choses. Oui. Alors, beaucoup de Français qui font des bonnes œuvres, on appelle ça les œuvres de miséricorde sur place, ces gens-là sont aussi tentés d'aller ailleurs, d'aller aux Indes orientales et d'aller aux Indes occidentales, l'Amérique. C'est presque, je vous écoute, en fait, le missionnariat, c'est cet esprit-là, aller prêter secours, aider, développer. C'est l'esprit missionnaire, mais dans un sens positif. Ouais. À l'époque, on ne connaissait pas d'autre manière d'aider les gens que de les rendre semblables à soi. Mais ce qu'elles veulent, c'est que les autres soient heureux, ouais, et leur apporter les moyens de l'être. Alors, en l'occurrence, c'est la santé, comme on disait à l'époque, du corps et des âmes. Et on la pousse, au fond, parce qu'elle est engagée dans cette action d'aide. On la pousse un peu, on lui suggère, je pense, de pourquoi pas la Nouvelle-France. Comment ça se passe, en fait? Ça se passe parce que, bon, d'une part, elle est proche des jésuites, donc elle a entendu parler de la Nouvelle-France, c'est sûr. Et d'autre part, elle a un cousin qui s'appelle Nicolas, de son prénom, qui, un beau jour d'avril, arrive et lui parle d'un précédent, à savoir les Ursulines, accompagnées de Madeleine de la Peltrie, sont parties en Nouvelle-France. Elle n'aurait peut-être pas pensé à y aller s'il n'y avait pas eu Madeleine de la Peltrie. Parce que des sœurs aillent se faire tuer, parce qu'on risquait vraiment de se faire tuer par la mer, par les corsaires. Bon, que les Ursulines aillent se faire tuer, bon, c'était des sœurs, elles pouvaient être martyres. Mais une laïque, ouais, qui n'était pas vieille, qui avait à peu près son âge, partir donner de l'argent, ça, c'est un précédent. Et elle va être, non seulement elle décide de partir, mais elle sera très, très importante, elle jouera un rôle important dans l'organisation de l'expédition. Oui, mais elle ne le sait pas quand elle part. Quand elle part, elle se dit, bon, je vais à Paris, justement, elle peut aller chez une cousine qui la reçoit, et à Paris, je voudrais partir en Nouvelle-France et on verra comment ça va se passer. Alors, elle arrive à Paris. À Paris, elle fait ce qu'on appellerait du lobbying, c'est-à-dire qu'elle voit un peu comment faire. Et elle rencontre beaucoup de gens très puissants. Elle a un charme extraordinaire, Jeanne Mance. Elle n'a pas seulement du savoir-faire en soins et en gestion. C'est une femme, quand elle parle, on l'écoute. Elle séduit par sa présence. On oublie toujours, parce qu'on voit souvent d'affreux portraits d'elle, on oublie que c'était une charmeuse, Jeanne Mance. C'était une femme, elle arrivait quelque part et tout le monde était là, bouche bée, à l'écouter et à entendre son projet. Tant et si bien que, bon, il y avait des gens qui n'avaient pas d'argent, il y en avait qui donnaient leur argent ailleurs, mais elle finit par rencontrer la richissime Madame de Bullion. Tout de suite, Madame de Bullion est conquise et lui dit « Vous allez fonder un hôpital en Nouvelle-France. Je vous donne tout ce qu'il vous faut du moment qu'on ne sait pas qui je suis. » Donc elle partira avec le soutien financier nécessaire pour fonder cet hôpital. Et ce qui est assez fascinant, puis on revient un petit peu au début de l'émission, on reconnaît enfin en 2012 le rôle de cofondatrice de Montréal à Jeanne Mance, mais vous allez voir, en écoutant, vous le savez très bien, Madame de Roy-Pinault, mais moi je l'apprenais, Annabelle Loyola, qui a réalisé en 2010 le film « La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance », nous dit dans cet extrait de l'émission Tam Tam Canada, animé par Raymond Demarteau en mai 2011, que dès le départ, En France, à l'époque, Jeanne Mance a le même statut, l'équivalent en fait, en termes de statut, qu'à Maisonneuve. Comme je dis toujours, dans son rôle de cofondatrice de Montréal, il y a des faits historiques et il y a des faits symboliques. Dans les faits symboliques, il faut savoir qu'elle est donc en effet nommée par le concepteur et fondateur de la Société de Notre-Dame de Montréal, M. Le Royer de la Dauversière. Donc avant même de fouler le sol de l'île de Montréal, elle est nommée membre fondatrice, au même titre que Maisonneuve, avant de partir. Et puis lors de ce voyage, elle va arriver donc à Québec avant Maisonneuve. Et en fait, de ce voyage-là, eh bien, il y a deux navires qui sont partis de La Rochelle. Maisonneuve était à la tête d'un navire, Jeanne Mance à la tête de l'autre. Elle a voyagé pendant 3 mois à bord de ce navire avec 12 hommes. Alors je trouve ça assez fondamental et je crois que ça, on l'a oublié. On l'a réellement oublié qu'elle avait un rôle à égalité avec Maisonneuve. Et puis il y a d'autres faits, comme par exemple, comme je le dis à la fin du film, Jeanne Mance est la seule des membres fondateurs à être restée et à être inhumée à Montréal. Les autres n'ont jamais mis les pieds ici. La Société de Notre-Dame de Montréal était à Paris. Quant à Maisonneuve, il est reparti et il est décédé à Paris. Donc, elle a été là tout le temps, dévouée à Montréal. Et je trouve ça extraordinaire. Comment se comparent les rôles et l'importance que vont avoir Jeanne Mance et Maisonneuve dans la fondation puis dans le développement de Montréal, Françoise de Roy-Pinault? Ça commence à La Rochelle. Quand Jeanne Mance arrive à La Rochelle, elle ignore tout du projet de Montréal. Elle va fonder un hôpital en Nouvelle-France, point. À La Rochelle, elle rencontre le concepteur de la ville, M. de la Dauversière, et Maisonneuve. Elle pose des questions et elle s'aperçoit qu'il n'y a aucun texte écrit sur la fondation de Montréal. Alors la première chose qu'elle fait, c'est la fille du juriste qui parle, juriste elle-même au bout du compte, c'est de demander qu'on écrive noir sur blanc le projet, ce que fait la Dauversière. Ça sera réécrit ensuite par M. Ollier. Ensuite, elle discute avec Maisonneuve et je crois que le trio, la Dauversière, Maisonneuve, Jeanne-Mance, s'aperçoit très vite que si Maisonneuve est un habile tacticien et sera un excellent guerrier, pour les affaires de gestion et d'administration, le boss, c'est Jeanne Mance. Donc c'est à La Rochelle que tout cela se décide. Et ce sera ça, de fait. Elle aura un rôle très, très important ici. Comment ils se départagent leurs fonctions quand ils sont arrivés ici, Maisonneuve et Jeanne Mance? Alors, le compagnonnage entre Maisonneuve et Jeanne Mance, c'est quelque chose de très mystérieux. On les met ensemble, ils ne se sont pas choisis et sont obligés de travailler ensemble pour construire une ville dont ils ne connaissent rien. Alors, comment est-ce qu'ils se partagent les rôles? Eh bien, ils sont chez un certain monsieur de Puiseau qui les invite à Québec. Alors, que fait Maisonneuve? Je n'en sais rien. Dans cet hiver chez monsieur de Puiseau, que fait Jeanne Mance? Il y a des artisans qui sont arrivés, elle les met au travail, elle organise le travail, elle organise les horaires, elle organise qui fait quoi. Elle organise les vivres. Ouais. C'est monsieur de Puiseau qui fournit tout. Mais c'est elle, l'organisatrice. Elle fait même tirer le canon, aux risques et périls de Maisonneuve, parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire, et lui non plus. Donc, ça se passe donc, parce qu'elle arrive à Québec en 1641. Elle arrive en 1941. Elle passe un hiver là-bas. C'est avec ça, Maisonneuve. Et ça se passe donc avec Maisonneuve, chez monsieur de Puiseau. Ouais. Et il coupe les arbres offerts par monsieur de Puiseau, des chênes pour faire les embarcations et préparer du bois pour construire leur première cabane. Et les rôles se partagent parce que Jeanne Mance et son savoir-faire s'imposent. Et elle s'impose avec douceur, gentillesse et sourire. Tout le monde l'aime. Mais tout le monde lui demande à elle. Ouais. Quoi faire? Donc, autorité naturelle, ils arrivent à Montréal au printemps de 1642. Oui. Qu'est-ce qu'ils font quand ils débarquent à Montréal? Ils commencent par... Alors, la Maisonneuve s'y entend, ils font construire une clôture de pieux tout de suite. Le gouverneur et ses soldats ne partent que quand l'espace est clôturé. Ils construisent des cabanes. Et une cabane, c'est l'hôpital. Ben, vous savez, les cabanons qu'on a derrière nos chalets, c'est ça, c'est nos premiers hôpitaux. Une cabane, c'est l'hôpital. Alors, elle soigne les gens, il y a toujours des accidents. Les premiers accidents, c'est pas grand-chose. La première chose qu'on connaît, parce qu'il y a un vitrail qui représente la scène, c'est qu'un Indien s'est cassé le bras et elle lui remet son bras en place. Ce qui lui vaut beaucoup de respect de la part des Amérindiens. Donc, elle a ce rôle, parce que l'Hôtel Dieu est fondé, en fait, déjà en 1645. En arrivant. D'accord. En 42. Sa cabane, peut-être baptisée Hôtel Dieu. Oui. Ensuite, elle change de local. Et ça devient un hôpital encore petit, mais vers 1645. Alors, ensuite, en dehors des murs, il y a une maison, pas très grande, où il y a trois pièces, je pense, une pour Jeanne, une pour les hommes, une pour les femmes. Et là, tout de suite, il y a des blessures à soigner, tout de suite, tout de suite. Ouais. Les premières années, donc, c'est ce rôle de soignante, c'est ce rôle d'intendante, au fond. Elle est à la fois soignante, intendante, elle administre et elle soigne. Elle fait les deux à la fois. Et elle retourne, puis ça arrivera quelquefois. Premier retour en France, en 1649, pourquoi? Ah, en France, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que le roi est mort. Et toutes les dames qui faisaient partie de la société Notre-Dame de Montréal, qui gérait Montréal et qui envoyaient de l'argent. Le roi étant mort, le régime change. Elles perdent leur pension. Elles ne sont plus aussi riches qu'avant. Elles donnaient leur superflu. Mais il n'y en a pas beaucoup qui donneraient aussi le nécessaire. Donc Jeanne n'a plus beaucoup d'argent. Un certain baron de Renty qui s'occupait de gérer l'argent avec M. de la Louversière est mort lui aussi. Donc Jeanne va en France en catastrophe pour essayer de reconstituer la société qui finance le projet de Montréal. Alors elle rencontre un certain monsieur Ollier et qui fait partie de la société et puis elle lui tord le bras pour qu'il devienne président de la société en question. Ouais. Elle réussit parce que quand je dis elle lui tord le bras, elle fait ça avec le sourire et elle le manipule avec énormément de souplesse. Ouais. Donc elle réussit à... Elle réussit à mettre sur pied... une administration en France. Parce qu'il faut dire, Montréal, c'est l'extrémité d'un pont. C'était pareil à Québec aussi, d'ailleurs. Mais il y a une arche à Paris et en France, et l'autre à Montréal. Ouais. Et elle doit gérer les deux côtés. Si elle veut recevoir à Montréal, X mois plus tard, de l'argent, des vivres, du soutien, il faut qu'elle s'organise pour qu'à Paris, ça tienne le coup. Ouais. Donc, premier voyage, soutenir les Parisiens. Et les remplacer. Mission accomplie, elle revient et à son retour de France, la situation s'est compliquée avec les Iroquois. On écoute Serge Bouchard raconter le contexte dans lequel atterrit Jeanne Mance à son retour de France, extrait de l'émission Les Remarquables oubliés de mars 2010. Elle est de retour à l'automne de 1650. Elle ramène de l'espoir, elle ramène de l'argent aussi. Mais à Ville-Marie, la situation empire. Jeanne Mance doit s'installer à l'intérieur du fort, délaissant les installations de l'hôpital. La vie sur l'île est un véritable cauchemar. Chaque jour est un suspense. La mort rôde partout. Nul n'est en sécurité. Depuis la déroute puis le départ des gens de Tessouat qui se replieront éventuellement sur Trois-Rivières, la mission est sans défense et les Iroquois en font à leur guise. Les Français sortent avec des chiens pour faire des patrouilles. Les chiens jappent toujours, il débusque l'ennemi, mais nul ne peut rien faire. Lambert Raphaël Closse assure la milice avec sa célèbre chienne Pilote, mais lui non plus ne peut pas tout faire. Le cas échéant, plusieurs années plus tard, les Iroquois le tueront. D'ailleurs, on ne se rend pas compte du nombre très élevé des victimes de la guerre en ces temps d'origine. Un très grand nombre de colons originaux vont mourir d'une mort violente aux mains des Iroquois. La question iroquoise est une question très, très importante à ce moment-là dans le développement et dans la survie même de la colonie Françoise de Roy-Pinault. C'est très important parce que les Iroquois sont armés par les Hollandais au départ. Les Hollandais sont plutôt les ennemis des Français pour des questions tout à fait commerciales. Il s'agit des peaux de castor. L'argent vient des peaux de castor essentiellement. Ouais. Alors les Français sont alliés des Hurons, donc ennemis des Iroquois, qui sont les ennemis des héréditaires des Hurons. C'est très important parce que les Iroquois ne veulent pas que les Français s'installent là, parce que les peaux vont arriver côté français et ils ne seront pas payés par les Hollandais. Mais alors ce qui aggrave tout, c'est que les Hollandais arment les Iroquois avec des arquebuses, alors que les Français gardent un bon contact avec leurs alliés amérindiens et ne veulent pas les armer. Donc, au départ, les Iroquois sont plus armés que les Amérindiens alliés des Français, ce qui est bien embêtant. Ouais. Et ça fait que il y a beaucoup de morts d'hommes et qu'il y a des colons même qui décident de retourner en France. La colonie est vraiment menacée à ce moment-là et arrive ce qu'on va appeler l'opération de la grande recrue. On dit que ça a sauvé la colonie, cette affaire-là. En gros, Jeanne Mance dit à Maisonneuve, retournez en France, prenez l'argent que j'ai pour gérer l'Hôtel Dieu et allez chercher du renfort, des colons qui reviendront. Est-ce que c'est exagéré de dire que ce geste-là, posé par Jeanne-Mance et Maisonneuve ont sauvé la colonie. Mais ça a absolument sauvé la colonie. Et cette stratégie-là, c'est une idée de Jeanne-Mance. Maisonneuve était un très bon stratège, guerrier sur le terrain. Mais Jeanne-Mance a sauvé tout à fait la colonie parce qu'elle avait l'esprit perspicace. Elle savait où était l'argent, ce qu'on pouvait faire avec et où était le moindre mal. Et le moindre mal, c'était de prendre cet argent pour recruter des hommes. Il fallait la permission de Madame de Bullion, mystérieuse et inconnue, que Maisonneuve va chercher sur le conseil de Jeanne-Mance. Donc Jeanne-Mance a l'idée qui va sauver Montréal et Maisonneuve, c'est le lieutenant de Jeanne-Mance, pour faire des démarches. Ouais. Donc il va revenir avec des hommes, il va revenir aussi avec quelques femmes, des filles à marier, puis un peu plus tard, quelques années plus tard, ce sera évidemment, on connaît l'histoire, l'aventure des filles du roi. Jeanne-Mance va retourner en France une troisième et dernière fois. Il faut dire qu'il y a un virage important. Jean Talon arrive en 1663 comme intendant de la Nouvelle-France. Il procède à de grandes réformes. Il reste peu de temps, Françoise de Roy-Pinault, mais sur la fin, qui est très difficile au fond, à partir de l'arrivée de Jean Talon, le retour de Jeanne-Mance en Nouvelle-France. Alors, l'époque pionnière se termine. Oui. À ce moment-là, il y a une administration qui vient. Je dirais une administration qui est plutôt parisienne, qui est loin du terrain et qui ne se rend absolument pas compte de ce que c'était que les premiers temps. Alors, ils enlèvent les personnes qui résonnent d'une manière qui ne leur plaît pas. À Paris, ils n'avaient pas inventé que c'était ceci ou cela. Je ne parle pas pour Jean Talon, je parle spécialement pour M. de Tracy qui arrive un peu plus tard avec ses soldats, qui ne comprend absolument pas le rôle de Maisonneuve et qui le remercie gentiment. Ouais. Maisonneuve... Il rentrera. Qui est obligé de rentrer. Ouais. Quant à Jeanne-Mance, cette administration lui demande des comptes. On pense bien que quand elle allait chercher les blessés sur le terrain de la guerre et qu'elle les soignait, elle ne tenait pas de comptabilité parfaite. Ouais. Elle passe les derniers temps de sa vie à reconstituer une comptabilité. Il y a des sœurs qui sont arrivées, les sœurs de Saint-Joseph, qui soignent. Et la pauvre Jeanne-Mance reconstitue de mémoire toute la comptabilité des premiers temps pour faire plaisir aux administrations de Québec et de Paris. Revenons sur le début de cette émission. On a officiellement reconnu son rôle en 2012 dans notre imaginaire collectif. Est-ce qu'elle a retrouvé la juste place à laquelle elle a droit? Oh oui, je dirais presque. C'est elle qui a fondé Montréal. Après M. Dadeau-Versière, c'est elle qui a participé à la fondation avec Maisonneuve, mais qui a eu les idées pour fonder la ville. Le général, dans un gouvernement, le commandant de l'armée, c'est pas le fondateur. Et c'est elle qui a tenu la ville. Françoise de Roy-Pinault, auteure de la biographie Jeanne-Mance, De langue à Montréal, La passion de soigner, publiée aux éditions Fides en 2015. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci de m'avoir invitée. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.